Steve. Yes. Depuis qu'on se parle, j'ai bien compris que tu me connais. Je te connais. Parle-moi de ta life. Et dis-moi comment tu nous vois. Certains diront pour nous faire du mal que tu me fréquentes juste pour faire chier les autres. Appelle-moi par mon vrai nom. Cherche-moi vraiment. Crois en ce que je dis, pense ce que t'entends. I wanna be loved. On connaît le refrain. Le vrai diamant dans tes mains. Et je refais en tes dessins. Tu es le temps dans les magasins. Oh là là. Si jamais demain tout s'arrêtait, je n'avais plus rien. Ouvras-tu ma main dans les transports en commun. Certains diront pour nous faire du mal que tu me fréquentes juste pour faire chier les autres. Appelle-moi par mon vrai nom. Cherche-moi vraiment. Crois en ce que je dis. Pense que t'entends. I wanna be loved. I wanna be loved.